Hey, Bacardi, Jackie, Bacardi, celle-ci. Où sont passés les beaux jours? Où est passé l'amour? Les cœurs sont remplis de haine. Ça devient dur de dire je t'aime. La rage et la colère animent les esprits. Le ciel est bleu autour de moi, tout est gris. Toujours le même maman, les mots m'aimant. Mes mots au même moment, y'a du monde ici qui voudrait que je tombe. Je me souviens du temps où j'étais gosse, bosseur, loser n'était pas mon blab, j'étais pas les accords. Avec les parents qui prenaient mon avenir à cœur, jamais libre, toujours libre en main avançant vers le nord. J'ai faim d'amour, mais je suis nourri de haine. Mon âme pleure, les disparus comme vous, nos cœurs saignent. Je peine à parler de ça avec les autres, regarde les visages marqués, je suis pas le Black Jésus, pas sous apôtre. C'est le pupitre que des feuilles en sang, la musique m'évade et au mieux, j'envoie l'ascenseur. Où sont les beaux jours? Je me pose la question et dire que certains ont vu notre situation. Je ferme les yeux pour éviter de voir cette merde, mais rien à faire. J'ai l'impression de marcher dedans. Où sont passés les beaux jours? Où est passé l'amour? Les cœurs sont remplis de haine, ça devient dur de dire je t'aime. La rage et la colère animent les esprits. Même quand le ciel est bleu autour de moi, tout est gris. Où sont passés les beaux jours? Où est passé l'amour? Les cœurs sont remplis de haine, ça devient dur de dire je t'aime. La rage et la colère animent les esprits. Même quand le ciel est bleu autour de moi, tout est gris. Marche la tête basse, les yeux figés sur mes baskets. Je n'ai plus le cœur à rire, ni même à faire la fête. La plume de mon stylo verse des larmes sur ma feuille. Je m'habille chaque jour en noir comme si j'étais en deuil. Où sont passés les jours ensemble en bas des tours? Tu me serrais dans tes bras en me disant je t'aimerais toujours. Jamais je n'aurais pu croire que cette époque serait révolue. Mais mon frère ne m'aime plus, la haine a pris le dessus. Tu dis que c'est moi qui ai changé, que la musique m'a embourgeoisé, que je ne suis plus un mec du quartier. À tes yeux je ne suis qu'un simple étranger. Tu dis que c'est moi qui ai changé, que la musique m'a embourgeoisé, que je ne suis plus un mec du quartier. Notre amitié comme un oiseau s'est envolé. Où sont passés les beaux jours? Où est passé l'amour? Les cœurs sont remplis de haine, ça devient dur de dire je t'aime. La rage et la colère animent les esprits. Même quand le ciel est bleu autour de moi, tout est gris. Où sont passés les beaux jours? Où est passé l'amour? Les cœurs sont remplis de haine, ça devient dur de dire je t'aime. La rage et la colère animent les esprits. Même quand le ciel est bleu autour de moi, tout est gris. Je suis de ceux qui savent combien l'amour a déçu. Je suis pas là pour te faire un blabla dessus. Ex-frère ou ex-ami, t'ex-profond, seul et l'âme boule. Aujourd'hui j'en veux même à cette ex-femme qui m'a juré d'être là jusqu'à la fin du film. Mais les scènes de ma vie sont mal tournées. J'ai pas le scénario, j'ai pas un sortilège. J'ai ma mère qui siège là-haut. J'ai perdu la seule que j'appelais mon support d'orge. Affligé à des innocents, des sanctions de coupables. J'ai fait le mal, ton ex-père s'en a pu le faire capable d'égaler le poison. Soyons croyants et tous pardonne, tu parles. J'ai pas arrêté de parler au ciel, je suis toujours seul. Réponse. Et quand je pense que nos plaies s'ouvrent, et pour les penser, je se rends à l'évidence d'amour, à ses faces cachées, elle est vengeance, qui depuis longtemps mène la danse. Où sont passés les beaux jours? Où est passé l'amour? Les cœurs sont remplis de haine, ça devient dur de dire je t'aime. La rage et la colère animent les esprits. Même quand le ciel est bleu autour de moi, tout est gris. Où sont passés les beaux jours? Où est passé l'amour? Les cœurs sont remplis de haine, ça devient dur de dire je t'aime. La rage et la colère animent les esprits. Même quand le ciel est bleu autour de moi, tout est gris. Où sont passés les beaux jours? Où est passé l'amour? Les cœurs sont remplis de haine, ça devient dur de dire je t'aime. La rage et la colère animent les esprits. Même quand le ciel est bleu autour de moi, tout est gris. Où sont passés les beaux jours? Où est passé l'amour? Les cœurs sont remplis de haine, ça devient dur de dire je t'aime. La rage et la colère animent les esprits. Même quand le ciel est bleu autour de moi, tout est gris.